Quelle belle façon de terminer un bloc littéralement fleuve. Les Beatles avec Hey Jude. Probablement une de leurs chansons les plus longues. À part Revolution No. 9, mais ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais un hit, assurément. Et une chanson qui a, on peut dire, eu l'unanimité chez les auditeurs, les auditrices qui ont participé au sondage sur la page Facebook de l'autoroute. Eh oui, numéro 32 sur 45. Hey, ça a avancé, il me semble, depuis tantôt un peu. Je veux dire que le dernier bloc a aidé. Il y a plusieurs pièces un peu plus courtes. Les Beatles, Santana Soul Sacrifice, assez incroyable comme chanson. Santana qui était à Québec quelques semaines. Peu de monde, malheureusement, pour le voir, mais tout un spectacle, semble-t-il, pour ceux qui y étaient. Octobre, la maudite machine classique québécois. Inévitablement, les paroles sont assez intenses dans cette pièce. C'est la chimie que l'on retrouve avec Pierre Flynn et Mario Légaré, les musiciens d'Octobre, est assez impressionnante. Et juste avant, ben, on a eu Morse Code. Et évidemment, avec la Marche des Hommes, c'est ça? C'est un plaisir. Une autre pièce qui a marqué cette époque. C'est sorti pratiquement dans les mêmes années. Et si vous ouvriez la radio à l'époque, probablement à CKRL, mais également à Chaume ou à CFLS, je pense que the poutine is coming. Pour vous dire qu'à cette heure-là, il y a des estomacs qui se creusent. Je te laisse parler de Pink Floyd avant un peu. Oui, OK. Je te laisse faire du temps. OK. Donc, bon, on avait juste avant Pink Floyd avec Shine On You, Crazy Diamond. Exact. Et on a eu Astronomie Dominée aussi. Un doublé. En ce qui me concerne, je trouvais ça intéressant de faire suivre les deux parce que Astronomie Dominée, c'est évidemment la période avec Syd Barrett. Et on saute pratiquement 10 ans plus tard avec l'album Wish You Were Here et la chanson Shine On You Crazy Diamond qui est dédiée à Syd Barrett. Et il y a une anecdote assez particulière qui circule, qui a été d'ailleurs corroborée par les membres de Pink Floyd. C'est que pendant l'enregistrement, les sessions d'enregistrement de la chanson Shine On You Crazy Diamond, on a pu voir un type arrivé en studio, chauve, gras, et il s'est assis dans un coin, puis tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, tu sais, il rentrait comme dans un moulin, ni plus ni moins. Et ce n'est qu'à la fin de l'enregistrement que Gilmore, Waters, Mason et Wright se sont aperçus qu'il s'agissait de Syd Barrett. Il faisait juste venir faire un tour, finalement. C'est particulier quand même comme anecdote. Et c'est aussi triste, on s'entend là-dessus. C'est un petit peu pathétique, tu sais, le génie déchiré par la folie qui vient rejoindre ses vieux potes qui, eux, sont partis pour la gloire. Ça donne toujours un petit pincement au cœur. Puis tout ça en enregistrant une pièce qui le concernait en plus. En plus. Donc, c'était un beau doublé. Je suis fier des auditeurs et des auditrices d'avoir pensé à ces deux chansons-là. Parce que c'est vraiment comme lié ensemble, ni plus ni moins. Il nous reste pas moins de 13 chansons pour les deux prochaines heures. Je vous rappelle que pour les dons, 418-640-2575, 418-640-CKRL, nom de la sécurisé PayPal que vous retrouvez sur le site web de CKRL au www.ckrl.qc.ca. Cette nuit, exceptionnellement, pas de demande spéciale, mais bon, exceptionnellement, on est encore là. Si en temps normal, on aurait fini déjà depuis un certain temps et on devrait être bon quand même pour te faire la run. Ça va mieux, fait que je présume que... Ben là, avec une bonne poutine comme ça. Carburant, ça peut pas, ne pas faire qu'à des mieux. Ou ça va me faire tomber, là, mais ça va être l'un ou ça va être l'autre. Classique assez intense, il n'y en a pas eu encore ce soir, les Moody Blues. Oui. Et pas n'importe laquelle, évidemment. La chanson des Moody Blues avec un grand L. Si vous êtes en couple, c'est le temps de vous coller. Oui, pas mal. Et de sortir, changer les draps aussi. Aussi. Bye. In white satin,

Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Sultans. We are the Sultans of Swing. Keep on rocking in the free world. soon. Surface from this limbo. Their minds anticipating the dawn of the day. Shall never know what's waiting their insight away. Too far, too soon. Senses dim. Sleepwalkers. 5h47, est-ce que vous êtes insomniaque? la chanson va bien avec la situation présente. C'est pas mal ce que nous sommes en studio en ce moment. Toujours en compagnie de Stéphane Villeneuve et moi-même, Vincent Delisle. Donc, on vient d'entendre Van de Graaff Generator de l'album Gold Bluff de Sleepwalkers. Et c'est toujours l'édition Radioton qui se poursuit. Qu'est-ce qu'on a entendu juste avant? Neil Young, que l'on va voir cet été sur les plaines d'Abraham dans le cadre du festival d'été le 6 juillet prochain, si ma mémoire est bonne, avec Keep on Rocking in the Free World, version en spectacle pour nous mettre l'eau à la bouche. Et on checkait un petit peu les setlists sur ordinateur, puis ça a l'air de changer d'un concert à l'autre. Parce qu'il est dans une grosse tournée. Il n'a jamais l'air de jouer les mêmes pièces d'un concert à l'autre, ce qui est pas mal dans sa nature de toute façon. Il aime ça surprendre le loner. Alors, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va nous être servi, mais ça va sûrement être très bon. Ah, ça, j'en doute pas. Et il va probablement être accompagné d'excellents musiciens aussi. Lui-même, quand même, un guitariste assez efficace. Dire Straits, hein, on a flirté avec le début des années 80 et la pièce Sultans of Swing. Et sa petite ligne de guitare inoubliable là, à la toute fin. Là. Ça a marqué les esprits des oreilles de l'époque. Groupe qui devait à l'origine s'appeler The Sultans of Swing. Finalement, ils ont décidé de changer de nom, mais ils ont gardé le nom pour le titre de cette chanson-là. Et les Moody Blues classiques qui avaient débuté. Il y en aura d'autres aussi très prochainement. Il a fallu attendre en 33e position, mais Night in White Satin finalement est apparu comme ça pour égayer notre fin de nuit. Mm-hmm. Parce que là, on arrive dans la portion matin de l'autoroute. Tout à fait. C'est rare qu'on se rend là, au moins une fois par année, en tout cas, oui. À l'occasion du Radioton. Je vous rappelle que l'objectif, c'est 42 000 $. On était à peu près à 22 000 juste avant que l'émission commence. Il y a sûrement des trucs qui ont rentré. Nous-mêmes, on a pris quelques commandes téléphoniques. Donc, si vous voulez faire un don ou vous procurer la carte de membre, vous composez le 418-640-2575. Et également, ben, il y a l'onglet PayPal sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca. C'est un onglet sécurisé, je vous le dis. Et également, il y a des lots qui sont mis aux enchères. J'en vois parce que c'est tout tapissé sur les murs ici. Les œuvres de Cynthia Coulombe-Bégin, des dessins de comme Fred Jourdain. Également, un lot 68, c'est des spectacles à l'anglicane. Donc, vous pouvez bider là-dessus, hein, comme on dit dans la langue de Voltaire. Et évidemment, les profits, ben, tout ça, ça va à CKRL pour qu'on puisse continuer à faire de la radio différente celle dont vous êtes le plus proche. Il n'y a pas moins de 95 lots qui sont à l'encan. Fait que sur le site de CKRL, sur la page d'accueil, vous les avez tous. Et les encans se ferment à partir de 18h dans l'émission de fermeture. Ça va se fermer progressivement. Il faut être à l'écoute. Et c'est toujours un peu le rush de dernière minute. Mm-hmm. Beaucoup de montants qui changent beaucoup dans les 2-3 dernières heures. Oui, absolument. Les gens sont pas niaiseux. Ils attendent souvent la dernière minute avant de commencer à gager en espérant obtenir ce qu'ils désirent pour le moins cher possible, mais en même temps, plus cher ils vont payer, ben, plus CKRL va être heureux. Exactement. Puis vous pouvez venir faire ça sur place, puisque demain, toute la journée, il y aura du monde, puis il y a une belle ambiance qui règne ici au 405, 3e avenue à Limoilou Beach. Fait qu'on arrive dans la dernière portion de l'émission. Il nous reste 9 pièces à vous faire jouer, si on a le temps, évidemment, de vous les faire jouer, les 9. Mais ça devrait être pas si stampé. Il en reste une très longue. Mmh. Le reste sera un peu plus court, en général, à une ou deux exceptions. Donc, on va y aller avec le dernier gros bloc progressif de la nuit. Rush, Moody Blues, Caravan dans les prochaines minutes. Rush qu'on a entendu tantôt avec la Villa Strangiato. Puis là, c'est la deuxième fois qu'il était nommé. Et on va écouter Camera High. Exactement, en 1984, l'album Moving Pictures. Et on peut même parler encore un peu parce que ça commence quand même assez tranquillement, oui, cette chanson-là, avant que l'on puisse un peu plus reconnaître la musique. Ah, voilà. On salue Jacques Dulac qui est parti trop tôt, son groupe préféré, Rush. Avec les bouis-bouis de clavier, là.

Wow! C'est la seule pièce d'un groupe de Canterbury qu'on a entendu, qui a été nommée dans le sondage. Mais on ne pouvait pas tomber mieux. Caravan avec Nine Feet Underground. C'est tout un trip, cette pièce-là. Ça m'évoque, on en parlait hors d'onde, ça m'évoque irrésistiblement Le Seigneur des Anneaux. Ça a toujours été lié dans mon esprit, ce disque-là, In the Land of the Grey and Pink, et la saga de Tolkien. Il est 6h32, mes bons amis, mes frères et mes sœurs. Dehors, il y a des goélands qui se battent pour un crouton de pain. Je suis sorti fumer une cigarette, puis je pensais que j'allais me faire attaquer. Je me dis que c'était un remake des oiseaux d'Hitchcock. Je voudrais pas être un crouton de pain à cette heure-là. C'est à la 3e avenue. Ah, donc, un bref récapitulatif de ce qu'on vient d'entendre. Donc, avant Caravane, les Moody Blues, oui. Hommage. Ouais, ben, je m'en vais dire l'inventeur, mais plus celui qui a popularisé le LSD à l'époque, M. Timothy Leary, dont les cendres sont en orbite tout autour de la Terre. Et pièce écrite par Ray Thomas, excellente chanson des Moody Blues, que j'ai connue grâce à Denis Barry quand M. Leary était décédé. C'était un samedi, puis je faisais l'autoroute à ce moment-là et je cherchais une pièce pour lui rendre hommage et j'ai lâché un coup de fil à Denis Barry qui me dit, ben là Stéphane, il faut que tu mettes Legend of a Mind. Mm-hmm, absolument. Alors, j'ai couru chez le disquaire, je me suis acheté un disque double compile des Moody Blues assez complet quand même et j'ai été très heureux de mon achat et j'ai pu découvrir cette chanson qui a été notre numéro 38 sur 45. Et Rush, deuxième prise de Rush, l'album Moving Pictures, la très longue et excellente Camera Eye. On avait pu entendre ça au festival d'été il y a quelques années parce que Rush était venu donner son concept, c'était Moving Pictures intégral. Ça, c'était toute une prestation du groupe canadien. Puis ça remonte quand même pas à si loin que ça. Puis là, tu voyais que les musiciens étaient encore là, ben d'aplomb, fidèles au poste, puis ils reproduisaient de manière extraordinaire leur musique. Pour les positions 40 à 44, on s'en va plus dans les années 60, dans le rock, le folk, avec des artistes fort intéressants. Pièces qui vont être un petit peu plus courtes, ça devrait nous emmener pas mal vers la fin de l'émission. Il va rester le numéro 45, un peu comme dessert pour conclure le tout. Il n'est pas trop tard ou il n'est pas trop tôt, ben, en tout cas, selon, il est le temps ou jamais de nous contacter pour un don 418-640-2575 sur le web au www.ckrl.qc.ca, l'onglet sécurisé PayPal. Vous n'avez qu'à cliquer et vous pouvez par la suite soit faire un don ou encore vous procurer votre carte de membre annuelle au coût de $25. Objectif, $42,000 d'ici ce soir. Oui, il reste un petit peu plus quoi de 13-14 heures au Radioton et un peu moins d'une heure à l'autoroute. De ce marathon de deux autoroutes pratiquement consécutives, ça fait du stock pas mal. Stock, voilà. Ah, un qu'on a entendu tout à l'heure qui va être sur les plaines cet été. Neil Young. Avec Words Between the Line of Age. CKRL 89.1. sending postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlors filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As the lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands into her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. He belonged to me, I believe. And someone turns and says to him, my friend, you'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden. The stars, they're just pretending to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everyone is either making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing. He's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Now Ophelia, she's neath the window. For her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Now to her, death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession is her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend, some jealous monk. Now he looked so immaculately fitful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world locked inside of a leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole. She also keeps the cards that read, have mercy on his soul. They all play on the penny whistle. You can hear them blow. if you lean your head not far enough from desolation rule. Across the street, they've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in the perfect image of a priest. Spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom shouts to skinny girls, get out of here if you don't know Casanova, he's just being punished for going to Desolation Row. Now at midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine strapped across their shoulders, and then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that no one is escaping to Desolation Row. Maze V, Nero's Neptune, Titanic sails at dawn. Everybody shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while Calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. Yes, I received your letter yesterday about the time the doorknob broke. When you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mention, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I cannot read too well. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row. les frères Davis, The Kinks. Incomparable chanson, Waterloo Sunset, c'est peut-être une des plus belles chansons pop des années 60 en Grande-Bretagne. À l'égal, à mon avis, de ce qu'on fait de mieux des Beatles. Sauf que Ray Davis était à peu près tout seul pour tout faire. Il composait, il arrangeait, puis il produisait. Juste avant, on avait All Day and All of the Night. Toujours les Kinks, mais plus au début de leur carrière, avec un son qui a peut-être inventé le hard rock sans le savoir. Pour l'enregistrement de All Day and All of the Night, Dave Davis, le guitariste, il avait pris un exacto et il avait entaillé son haut-parleur. C'est le son qu'on entend de guitare très fuzzy. Ben, à l'époque, c'était homemade, hein? Il n'y a pas de pédale d'effet pour ça. Fait qu'il avait tout simplement crevé son haut-parleur pour avoir cette espèce de son sale et très, très trash. C'était la grande époque, il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère qu'il y avait une bonne commandite de haut-parleur, par contre, parce que le spectacle à l'autre, s'il fallait qu'il fasse ça pour une chanson, ça devait être oui, effectivement. Assez coûteux. Oui, tout à fait. On a eu les Byrds, tant qu'à être dans le concept un peu dans les années 60, classique 8 Miles High. En 1966, et c'est peut-être une des premières chansons psychédéliques de l'histoire du rock. En tout cas, c'est considéré comme tel, et ça avait même été interdit d'antenne, je pense c'était en Grande-Bretagne, pour apologie à la drogue. Roger McGuinn, qui a composé la pièce, s'est toujours défendu en disant que, en fait, ça lui était venu pendant un voyage en avion. J'ai une poignée dans le dos, moi. Bon, mais c'est peut-être l'avion qui amène Robert Charlebois et Louis Forestier en Californie, parce que je parle de l'escalier rouge et blanc, ouais, qui descend de l'avion, puis finalement, c'est pour représenter un joint. Il y a beaucoup de monde dans cet avion-là à l'époque. Oui. Ah, une de tes préférées aussi avant, numéro 41 ce soir, ouais. M. Bob Dylan. Avec Desolation Row, c'est en 65. Pièce fleuve, dans laquelle il y a plein de monde. Il parle de Casanova, Albert Einstein, T.S. Eliot, tous des gens qui évoluent sur Desolation Row. C'est de toute beauté, c'est de la grande poésie à l'état pur. Du Dylan comme personne n'en faisait à cette époque-là, je pense qu'il a influencé à peu près tout le monde pour ce qui est des paroles de chansons. Et Neil Young, ben non, oui, le moindre, qui a débuté Words Between the Line of Age, qu'on espère entendre cet été dans le cadre du festival d'été, le 6 juillet prochain sur les Plaines d'Abraham. D'ailleurs, si vous n'avez pas vos macarons dans les lots à l'enquête, ben oui, il y a deux macarons du festival d'été. Là, en ce moment, c'est 160$. Tout à donc, fait. Donc, vous feriez une économie là, à 170. C'est encore moins cher que qu'est-ce qui se vendait en pré-vente, imaginez-le. Mais vous avez jusqu'à entre 18 et 21 heures ce soir pour faire vos mises. Mm-hmm. Les lots seront progressivement fermés à compter de 18h. Pour nous, ben, c'est pas mal la fin. On s'en va vers la fin, vraiment. Il nous en reste une. Et pas la moindre non plus, disons. Surprenant même qu'elle ait terminé si loin, quant à moi. Un classique, probablement le premier album progressif de l'histoire de la musique, un album qui n'avait pas d'égal à ce moment-là. Là, on pourrait faire un débat parce que certaines personnes vont dire que le premier album progressif, c'est les Beatles qui l'ont fait. Avec Sgt. Pepper's. Avec Sgt. Pepper's. C'est pas faux non plus, mais le son prog en tant que tel, je pense qu'il vient pas mal plus de ce disque. C'est là que ça a commencé, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. On vous la fait écouter, puis on vous revient dans quelques minutes. Pour la conclusion. Exactement. King Crimson au 89.1.

sur cet air de Jean-Sébastien Bach que se termine cette édition de l'autoroute, édition spéciale, afin de souligner le 45e anniversaire de CKRL dans le cadre de ce Radioton. 45 pièces que vous avez entendues, choix qui ont été faits par vous tous, chers auditrices et auditeurs. Un greatest hits de l'autoroute, finalement, qu'on a écouté ce soir. On vous remercie beaucoup d'avoir participé parce que, évidemment, l'émission ne serait pas faite sans vous. C'est clair et net. Ça prouve encore une fois de plus votre implication. Cette émission-là, c'est autant la vôtre que la nôtre. Et ça prouve autant plus votre implication dans la radio à CKRL. Et sérieusement, vous avez été très nombreux à nous contacter. Encore une fois, vous avez été très nombreux à participer au sondage. Merci aussi à Jacques Dulac, qui nous a quittés un peu plus tôt cette nuit, mais un membre important de l'équipe de l'émission L'Autoroute. Évidemment, le Radioton se poursuit tout au cours de la journée sur les ondes de CKRL dans une quarantaine de minutes. Matinée symphonique avec l'OSQ qui va être tout être en studio. Non, je vous le dis. On se torse un peu. Oui, c'est ça. Il en rentrait peut-être 8 là, en forçant sur le petit stage de Fortune. Un de chaque section, tu sais. Ce serait un ensemble de charme, finalement. Oui, finalement, beaucoup plus. Bien, merci Stéphane, ça a été belle fun. On fait de la radio une fois par année ensemble, puis c'est tout le temps l'occasion du Radioton, mais c'est toujours un plaisir. Oui, vraiment, ça a été fort agréable. Puis pour une autre fois, j'ai pas fini tout seul, donc c'est encore plus fun. Ça a permis de rester plus facilement éveillé, je pense, jusqu'aux petites heures ce matin. Donc, comme le veut la musique, c'est le temps de vous lever et d'aller faire vos ablutions et vous rendre à la messe. Dans une vie antérieure, j'étais servant de messe. Je me levais à cette heure-là dimanche matin puis je me préparais pour aller faire le câble sur un... Mais là, on vous invite à la grande messe du Radioton aujourd'hui. Oui, absolument, c'est beaucoup mieux. Ça va être... Puis la dîme, c'est la même. Vous faites un don, ce sera votre dîme. Votre bonne action de la journée sera faite. Et pas besoin d'aller à la confesse. Tout vous sera pardonné. Objectif 42 000 $, on compte sur vous autres. On n'est même pas inquiet. Ah, je suis persuadé qu'on va y arriver. On est dans les chiffres. Quand on se compare aux années passées, on est toujours aux alentours de 20 000 $ le samedi. Et depuis 2-3 ans, on a réussi à franchir, de même qu'on a même augmenté l'objectif depuis quelques années à 42 000 $ et c'est merci à votre grande générosité, puis lâchez pas plein d'encans aussi sur le site de CKRL au www.ckrl.qc.ca. Les encans, les dons, les cartes de membres, bref, vous avez l'embarras du choix. Et vous pouvez venir nous voir toute la journée, on est ouvert, il y a plein de monde, puis une ambiance super. Et d'excellents breuvages de la Barberie. Également, c'est pas négligeable. Exactement. Ben, merci beaucoup à tous. Bon Radioton. Puis à samedi prochain dans notre cas. Et on vous invite à rester parmi nous pour le reste de la journée et les jours qui suivent. Tant qu'à faire. Salut bien. Bonne nuit.